La souris gourmande. La souris gourmande voit un gros gâteau dans l'herbe. Un gros gâteau pour moi, dit la souris gourmande. Je vais tout le manger. La souris gourmande pousse le gâteau dans son trou. Une petite souris regarde dans le trou. « Est-ce que je peux avoir un gâteau? » dit-elle. « J'ai faim! » La souris gourmande grignote le gâteau. « Non, petite souris, » dit-elle, « je ne te donne pas de gâteau. Il est à moi! » La souris gourmande grignote le gâteau toute la journée. La souris gourmande grignote le gâteau toute la nuit. J'aime ce gâteau, dit la souris. Je vais tout le manger. La petite souris revient. Elle regarde dans le trou. La souris gourmande ne va pas bien du tout. Oh non! Son visage est vert. Aide-moi, dit-elle. Je suis malade. La petite souris apporte une feuille. Elle place la feuille sur la souris gourmande. Elle apporte de l'eau à la souris gourmande. Elle reste avec elle toute la journée. La souris gourmande embrasse la petite souris. « Merci, petite souris, » dit-elle. « Je ne vais plus jamais être gourmande. »